Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui reprend toute l'actu de la semaine. À la une aujourd'hui, le gouvernement français fait machine arrière sur les condamnations des homosexuels au XXe siècle. La situation à Haïti ne cesse de s'empirer, faisant craindre un véritable chaos sur l'île. Le Sénat rend un rapport sur la place de la laïcité à l'école, retour sur la légalisation du MMA en France et analyse d'un rapport sur la place des femmes dans les médias. Mais on commence tout de suite avec Arthur et le affluoté. Après deux années de tractations, ça y est, c'est enfin officiel, la Suède devient officiellement le 32e membre de l'OTAN ce jeudi 7 mars. Une étape majeure pour le pays qui met fin à près de deux siècles de neutralité et de non-alignement militaire. Une adhésion qui intervient presque un an après la dernière intégration d'un autre pays à l'OTAN avec la Finlande en février 2023. Une décision qui a fait réagir le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui espère lui aussi l'intégration très prochaine de Kiev. Après plusieurs années d'enquête, ça y est, la sentence est tombée pour Apple. La Commission européenne a décidé de leur infliger une amende de 1,8 milliard d'euros. La cause, avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d'applications de streaming de musique pour ses utilisateurs. C'est donc le géant suédois Spotify qui a déposé plainte contre le géant américain. En réponse à ce genre d'événement, cette semaine, la Commission européenne a fait entrer en vigueur le Digital Market Act pour empêcher les abus liés au monopole dans l'informatique. Pendant un moment, on a cru pouvoir assister à un duel inédit aux États-Unis, mais la revanche entre Biden et Trump semble actée. Et oui, cette semaine, c'était Super Tuesday aux États-Unis, une journée d'élection qui n'a pas donné de véritable surprise pour la prochaine course à la Maison-Blanche. Sur les 15 États en jeu dans la journée, Joe Biden a fait carton plein quand Donald Trump n'a laissé échapper que le Vermont, un État remporté par Nikki Haley. Elle représentait jusqu'ici le seul rempart d'une nouvelle opposition entre Biden et Trump, mais elle a annoncé officiellement son abandon ce mercredi 6 mars après ce nouvel échec. Plus rien ne semble donc empêcher la revanche annoncée de la dernière élection. Députés et sénateurs étaient réunis ce lundi 4 mars 2024 à Versailles pour l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Une modification de la Constitution qui a été largement adoptée par 780 voix pour à 72 contre. Une décision caractérisée d'historique par beaucoup. Ce vendredi, une cérémonie de scellement s'est déroulée place Vendôme. L'objectif, a posé le sceau de la République sur la loi pour valider son intégration dans la Constitution. Selon une enquête de l'INSEE parue cette semaine, les inégalités salariales hommes-femmes persistent malgré des avancées significatives ces dernières années. En 2022, dans le secteur privé, le salaire net des femmes était 23,5% plus bas que celui des hommes, d'après les chiffres de l'Institut. Pour donner un exemple peut-être un peu plus parlant, en 2022 toujours, les femmes percevaient un salaire annuel net de 19 980 euros, soit 1665 euros par mois, tandis que les hommes, eux, étaient en moyenne payés 26 110 euros par an, soit un total de 2176 euros par mois. M6 frappe un grand coup dans la bataille de la diffusion télé des grandes compétitions sportives. Et oui, la prochaine Coupe du Monde de football ne sera plus diffusée sur TF1. La nouvelle est tombée cette semaine, c'est M6 qui a décroché le gros lot. C'est par le biais de son directeur alors invité sur RTL que l'on apprend que la chaîne a acquis les droits de diffusion des Coupes du Monde de football 2026 et 2030. Cela faisait 20 ans, donc depuis la Coupe du Monde 2006, que la chaîne n'avait pas couvert l'événement. M6 pourrait bien signer des accords de sous-licence avec d'autres chaînes comme France Télévisions ou TF1, mais sur RTL, Nicolas de Taverneau semble ne pas fermer la porte à ce genre d'accord. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Marty ! Mais qui allait celle-là ? Quelle indignité. Faute avouée, à moitié pardonnée, Pierre, la République française cherche à se racheter d'une période trouble de son histoire. Oui, une époque où l'homosexualité était répréhensible de 6 mois à 6 ans de prison. Évidemment, on comprend pourquoi Sénat et Assemblée cherchent maintenant à faire amende honorable. Les deux chambres parlementaires se sont prononcées sur la réhabilitation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, date de l'abolition du délit d'outrage à la pudeur. Dernière en date, l'Assemblée cette semaine, le projet de loi a été adopté en première lecture pour réparer les préjudices, conséquences de ces condamnations. Et le ministre de la Justice a lui-même présenté ses excuses à l'égard des condamnés. Pardon, c'est ce terme qui est apparu comme un leitmotiv dans le discours d'Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux a dénoncé une répression totalement inique pendant plus de 40 ans. Oui, car il ne faut pas l'oublier, Vichy a certes instauré la pénalisation de l'homosexualité, mais la 4e puis 5e République pendant un temps l'ont conservée. C'était donc l'honneur de la République qui était en jeu, et reconnaître sa responsabilité dans la trajectoire qu'a pris l'homophobie dans le pays, c'est assez douloureux. Mais le texte initial n'a pas fait l'unanimité dans l'Assemblée nationale. Oui, plusieurs députés jugeaient qu'il n'allait pas assez loin, pas de compensation financière à l'origine. Le texte voté cette semaine a gommé cette erreur, allocation de 10 000 euros assortie de 150 euros par jour de privation de liberté, un soulagement pour les victimes. Entre 1942 et 1982, près de 10 000 condamnations pour homosexualité ont été prononcées, près de 200 personne pourrait aujourd'hui bénéficier de ces allocations réparations. Le texte doit maintenant retourner sur les bancs du Sénat pour une deuxième lecture. La lecture, justement, pose problème pour de nombreux élèves du primaire et du secondaire. Le gouvernement veut rectifier le tir. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a détaillé la mise en place des groupes de niveau. De la souplesse, ce sera la ligne directrice de la ministre dans la mise en œuvre de cette disposition. Elle laisse au chef d'établissement la liberté de voir quand rassembler les élèves en classe entière. La ministre cherche à convaincre les syndicats enseignants peu enthousiastes. Crainte principale, un tri injuste des élèves et un manque de moyens pour les mettre en place. Cette prise de parole peut s'apparenter à un énorme rétropédalage sur les intentions premières de son prédécesseur, Gabriel Attal, aujourd'hui installé à Matignon. Et justement, pas de Gabriel Attal sur les futures pièces de 50 centimes. Et non, Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie passeront avant. Ils apparaîtront sur vos pièces de 10, 20 et 50 centimes d'ici à l'été 2024. Le design de ces nouvelles pièces a été imaginé par le graveur général de la monnaie de Paris, Joaquin Jiménez. Elle comporte un côté européen, le revers, et un côté national, la face. Ce sera, à titre personnel, un immense honneur de me servir un café grâce à Simone Veil. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. À Haïti, les gangs se renforcent de jour en jour. Paul, ils viennent d'annoncer se liguer contre le gouvernement. Depuis plusieurs semaines, des quartiers entiers de Port-au-Prince se vident. Au milieu des rafales et des explosions, les habitants fuient ces combats incessants entre forces de l'ordre et gangs criminels. C'est une vraie crise apocalyptique que vit la perle des Antilles. 4000 détenus ont été avalés de prison. Une douzaine de commissariats et autres bâtiments publics sont en proie aux flammes. Des corps remplissent les rues, hérissées de barricades. Les autorités haïtiennes n'ont plus du tout le contrôle de la situation au profit des groupes armés. Et à la tête de celle-ci, un homme ressort du lot. Jimmy Cherizier, ancien officier de police de 46 ans. Son surnom, Barbecue. Ça peut paraître ridicule, dit comme ça, mais il est pourtant l'un des chefs de gangs les plus puissants du pays. C'est lui qui a réclamé la démission du président par intérim Ariel Henry. Selon l'ONU, plus de 8400 personnes ont été victimes de la violence des gangs l'année dernière, en ayant été soit tuées, soit blessées ou enlevées. Une augmentation de 122% par rapport à 2022. Et le pays se retrouve donc au bord de l'anarchie. Oui, la fermeture de l'aéroport de Port-au-Prince a achevé de paralyser le pays, dont les grandes routes sont contrôlées par les gangs. La conséquence, c'est que les denrées alimentaires et l'argent liquide ne rentrent plus dans le pays, ce qui aggrave un peu plus l'insécurité alimentaire. Famine donc et choléra s'ajoute à cela, qui fait également son retour après avoir sévi pendant une décennie. Et pour calmer les ardeurs, le gouvernement haïtien a annoncé ce jeudi prolonger d'un mois l'état d'urgence sécuritaire afin de reprendre le contrôle de la situation. Affaire à suivre. Le Sénégal s'apprête à vivre une série de changements. Oui, tout d'abord une date, celle du 24 mars. C'est le jour fixé par le Conseil constitutionnel du Sénégal pour les prochaines élections présidentielles. Les députés sénégalais ont également adopté une loi d'amnistie des actes liés aux violences politiques de ces dernières années. Ce texte est très critiqué alors qu'il est censé dissiper les tensions en pleine crise autour du report de la présidentielle. L'affaire fait beaucoup de bruit en Allemagne. La semaine dernière, des médias russes ont diffusé un enregistrement de haut gradé allemand discutant d'une livraison d'armes à Ukraine. Il s'agit d'un fichier audio de 38 minutes précisément, rendu public sur les réseaux sociaux russes. Dans cet enregistrement, plusieurs officiers allemands évoquent une hypothétique livraison à Kiev de missiles à longue portée Taurus de fabrication allemande. Des échanges qui placent l'Allemagne dans l'embarras, alors que le pays refusait toute livraison de ces missiles longue portée à l'Ukraine pour éviter toute escalade, tout simplement. Plus gênant pour Berlin, l'enregistrement dévoile des informations confidentielles impliquant des pays alliés, dont le Royaume-Uni et notre belle et tendre France. La crainte de l'escalade se fait vraiment ressentir chez nos voisins allemands. Agir pour éviter de nouveaux drames dans les établissements scolaires, c'est l'objectif d'un rapport présenté par le Sénat. Une commission d'enquête parlementaire vient de rendre ses conclusions, Alexandre. 38 recommandations pour qu'il n'y ait plus de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, ce professeur assassiné dans un lycée d'Arras en octobre dernier. Un travail long de plusieurs mois, 45 auditions et de nombreux déplacements dans des établissements scolaires. Une des mesures phares de ce rapport, l'interdiction de porter n'importe quel signe et tenue religieuse lors de toute activité organisée par l'institution scolaire. Alors concrètement, cela signifie que cette interdiction ne vaut pas seulement au sein de l'établissement, mais aussi pendant les voyages, les sorties culturelles ou sportives. Et parmi les autres recommandations, il y a aussi une meilleure formation des enseignants sur la question de la laïcité. La censure des professeurs est encore bien trop présente, selon les deux sénateurs François-Noël Buffet et Laurent Lafon. En 2021, 56% des enseignants dans le secondaire déclaraient s'être déjà auto-censurés. En cause, la solitude des professeurs et une formation à des situations de tension défaillantes. Il faut aussi mieux responsabiliser les parents. 10,1% des enseignants du premier degré confient avoir subi des menaces avec ou sans objet dangereux. Ça représente environ 38 000 professeurs. Et les deux co-rapporteurs veulent créer une sanction pénale spécifique lorsque les parents ne respectent pas les règles de fonctionnement des établissements. Le président du Sénat, Gérard Larcher, appelle désormais Gabriel Attal et Emmanuel Macron à se saisir de ces 38 recommandations. Ça vous a peut-être échappé, le quoi qu'il en coûte est bel et bien terminé. Et maintenant, il faut se serrer la ceinture. Le gouvernement veut faire 20 milliards d'euros d'économies d'ici 2025. Une annonce de Thomas Cazenave, le ministre délégué au budget. Bruno Le Maire avait déjà annoncé il y a quelques jours 10 milliards de coupes budgétaires en 2024. Le Conseil d'État donne raison à 8 régions contre SNCF Réseau. Et ces régions dénoncent toute une augmentation des péages ferroviaires trop élevés pour 2024, 2025 et 2026. Elles financent les TER et craignent que le reste à charge soit payé par les usagers. La SNCF n'a pas respecté la procédure pour fixer ses redevances, précise le Conseil d'État. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. Le MMA, c'est le Mixed Martial Arts, une discipline qui réunit toutes les techniques des sports de combat et qui se pratique dans une cage. On en parle beaucoup en ce moment en France avec les combats du week-end. Pourtant, le sport était toujours illégal il y a quelques années. Bien Tristan, la critique principale, c'était surtout ce spectacle de la violence, puisque les coups sur les adversaires au sol sont aussi acceptés. Au départ, on part sur un sport qui possède quand même très peu de règles. Et du coup, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, on va commencer à cadrer un peu plus le MMA sans pour autant le dénaturer. Par exemple, les coups de pied sur les combattants au sol sont interdits. Le storytelling des combattants, comme par exemple le trash talking, mais aussi ce show à l'américaine similaire au catch et la gloire des combattants français va se charger du reste. Bien évidemment, cette ascension a des explications économiques, on s'en doute. Les autres fédérations de sport de combat avaient peur, à juste titre, d'une baisse de leurs licenciés, mais les salles de l'UFC, la principale ligue de MMA, sont pleines à craquer, donc pourquoi s'en priver ? Finalement, le gouvernement n'avait pas vraiment le choix. Et oui, c'est l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu qui a complètement légalisé le MMA en 2020. Il faut dire qu'avec 50 000 pratiquants en France, le gouvernement ne pouvait plus fermer les yeux. Des études ont depuis également prouvé que la boxe anglaise ou même le rugby pourrait s'avérer plus dangereux que ce sport. Donc ce discours de la violence commençait un peu à prendre la poussière. L'armurière du film Rust reconnue coupable d'homicide involontaire. Anna Gutierrez-Reed risque 18 mois de prison pour négligence répétée. Elle n'avait pas remarqué qu'une balle réelle était placée dans une arme sur le tournage du western Rust, arme manipulée par l'acteur Alec Baldwin qui tuera la directrice de la photographie, Alina Hutchins. L'inexpérience de la jeune femme de 25 ans est mise en avant, mais un de ses avocats pointe néanmoins du doigt la société de production qui aurait négligé les règles de sécurité, tout ça pour réaliser des économies. Le procès devrait débuter en juillet. Et on l'a appris hier, le mangaka auteur de Dragon Ball est mort. Son Goku, la quête des 7 boules de cristal, les crises aiguës à chaque combat, l'homme derrière Dragon Ball se nommait Akira Toriyama. Il s'est éteint à l'âge de 68 ans cette semaine. C'est lui qui a popularisé le manga en Europe il y a plus de 30 ans. Dragon Ball, c'est 42 tomes, débutés en 1984, qui se sont vendus à au moins 260 millions d'exemplaires. C'est tout simplement le 4e manga le plus vendu dans le monde. J'espère simplement que les lecteurs s'amuseront en lisant mes travaux, avec expliqué le japonais. En voyant tous les hommages sur les réseaux, sa quête est plus qu'accomplie. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colin, c'est quoi ton journal préféré ? Du coup, concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. L'ARCOM a publié mardi son rapport annuel sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio. Et le constat, Valentine, laisse à désirer. Elles représentent 52% de la population française. Pourtant, dans les médias, elles sont moins présentes que les hommes. L'ARCOM a étudié la période 2016-2023 et dresse un constat en demi-teinte. Sur la durée, les chiffres progressent, mais depuis 2 ans, ils ne bougent pas. La part des femmes est passée de 38% en 2016 à 43% en 2023. L'ARCOM précise qu'il y a plus de femmes à la télé qu'à la radio. Les femmes sont d'ailleurs plus présentes à la présentation. Pour survoler les détails du rapport, la présence féminine est inégalement répartie en fonction des domaines. Comptez plus de femmes dans les sujets qui touchent à l'éducation, et côté politique et international, c'est plutôt la parole des hommes qui domine. Il y a du mieux donc, mais les femmes parlent toujours moins que les hommes dans les médias. Les femmes parlent moins, c'est indéniable. Leur temps de parole s'établit à peine à 34% en 2023, un taux qui ne cesse de baisser par rapport à 2022. Bonnet d'âne, encore une fois aux émissions sportives, où la parole féminine ne représente que 11% du temps total. 60% des compétitions sportives n'ont même aucune femme parmi les personnes présentes en plateau. Et des recommandations ont été faites de la part de l'ARCOM. Oui, le régulateur recommande aux chaînes de définir des objectifs de progression chiffrés pour que la part des femmes progresse vers la parité globale. L'autorité de régulation préconise aussi d'accorder une attention toute particulière au temps de parole, en veillant à une plus juste répartition à la fois des thématiques sur lesquelles les femmes et les hommes sont amenés à converser, mais également sur le rôle qu'ils leur sont attitrés à l'antenne. L'ARCOM a aussi mis en évidence les échéances majeures de cette année, et notamment les élections européennes et les JO à Paris. Merci Valentine, et merci à tous les chroniqueurs pour leur participation. Évidemment, merci à vous tous de nous écouter et bon courage pour les concours de cette année. Merci aussi à Julie et Chloé à la régie aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actualités. D'ici là, bonne semaine et à bientôt.